La face du globe, sur la face des plus gros soccer des hommes. Je gobe, j'y trop l'esprit free sous mon congol pop, pop, pop, rafale fantasme. Laisse-moi juste faire mon job. Fou. Attends, je me racle bien la gorge. Prépare ton poule, ça va faire mal, même s'il faut bien que je les se forge. On corse le débit sans la prince d'Arabie. Foubi, t'étais dans les couilles d'Air Force One. J'kickais le chrome au Bobby. Fou. Trop happy sur ton nuage, parfois écrit à la ramasse. Papy vient te remettre à la page. Fou. Tu veux mener ta barque, t'es dans le marécage. Pressant de mâchoire à la sauvage, sur parawalp et à la nage. Reste tes illusions, fuck ton rêve, qu'un rire. Le rap n'a pas même goût de Brooklyn à Paris. Pas tous les mêmes droits, au même baisse, au même crédit. J'ai rien sorti, mais le blast tourne et ça, ça met la haine rectie. J'crache, m'arrache, crée le malaise. Sur tes pistes, sur tes dièses, pareil que tu pèses. Pour exprimer mon dégoût général. Dans ta face, mec, si tu dérailles. Sur tout ce qui m'insupporte. Dieu sait que la queue est longue derrière la porte. Viens exprimer ton dégoût général. Sur toute la face du globe. Sur la face du plus chauvin au plus xénophobe. Fils, fille à papa coincé du cul qui snob. Gros temps qu'ils prennent pour des top mode, défile en robe. Insupportable sans ce zèle qui ont un avis sur tout. Surtout qu'on demande rien, fermer ta gueule c'est tout. Aux frères radins grave près de leur sourd. Qui se disent blindés et dans le frigo y'a un loup. Micro test check 1-2. Au bord de France et aux voyous rap sous hell et bap tout. On rock'n'roll, pop aseptisé pour cerveau mou. Ton car qui traîne mon art dans un vrai bain de boue. J'crache, m'arrache, crée le malaise. Sur tes bis, sur tes dièses, pareil que tu pèses. Pour exprimer mon dégoût général. Dans ta face, mec, si tu dérailles. Sur tout ce qui m'insupporte. Dieu sait que la queue est longue derrière la porte. Viens exprimer ton dégoût général. Sur toute la face du globe. Chacun son nom, chacun ses codes. V'là ce que je mets à l'antipode. Aux un vrai rap, aux antipodes. Et les kiffeurs crient oh my god. Quand la piste devient mon crachoir. V'là le gimmick qui défend direct la mâchoire. Face à la haine dans les yeux des membres du trottoir. Bismillah, starfallah, alhamdoulilah pour une ode d'espoir. Trip à enseigner dans toutes les écoles. Pour éviter tous les moutons et les hmards qui décollent. Je fais juste ta voyelle et consonne. Donc bouge la tête ou bien tes oreilles et consomme. Je crache, m'arrache, crée le malaise. Sur tes pistes, sur tes dièses, pareil que tu pèses. Pour exprimer mon dégoût général. Dans ta face, mec, si tu dérailles. Sur tout ce qui m'insupporte. Dieu sait que la queue est longue derrière la porte. Viens exprimer ton dégoût général. Fou.